Quel bail! Wesh, la détaille! Ouais, quand même, c'est comment? Je suis dans le bain. 50 ans. 7. Qu'est-ce que c'est? Trop bon la vida! Et je paye tout avec une. Et dire que j'ai vu ce qu'il peut, j'étais à deux d'autres, prendre des années de temps, mais maintenant elle veut se baiser avec moi. Sans demander mon avis. Pas du tout les mêmes cuits qu'avant. Avant c'était la merde, si tu savais. J'suis à Phuket, au bord de la plage. Elle masse le dos, elle masse les pieds. J'ai la Rolex, le marpillé. Sur mon bras droit, sur mon bras gauche. J'suis tout en Nike, pas d'habitude. Par de TM, voiture de luxe. J'suis au volant de la RR. J'ai des étoiles au-dessus de ma tête. Et rien n'a changé, j'suis dans le bendo. Sucrade, rempli de crachat et de mégots. Je donne caca tout blanc, tout neuf, faire neuf. Je fais même sauter sur mon capot. Je suis dans le truc, sa mère la pute. Je peux plus rentrer qu'un gros 6 de stick. Comme je suis pété, je suis obligé de ce qui m'est en kick. On va à l'arrêt du 16, si plus qu'au de la paix. Détail 7 jours sur 7. Dis-nous ce qu'on a pas fait. Nickel et PDG. Vive l'argent du raté. Nickel et PDG. Nickel et PDG. Moi j'ai ce que je te raconte, en vrai si tu fais tout c'est que t'es con. C'est pas tout beau tout rose, j'ai pris beaucoup de chutes comme du beaucoup de potes. Faut pas que tu fasses la pute qui t'apprend des coups, faut que tu prends dans le tas. J'ai fini le banc ou de lever toi, et dans mon gars moi je peux enlever le toit. J'ai le syndrome de gire de la tourette. Je suis capuché devant la tirette. Méchant. Elle a pas ses règles, je la bouillarde direct. J'éteins la teubon à sa mère, je suis trop méchant. Je sais même plus combien j'ai pu mettre. Les dettes, les timbres, ne joue pas au compte. Avis, je sais comment la préger. Les keufs me voient, ne montent plus le ton. J'ai trois fois le salaire de l'OPJ. La beuh est bonne, les prix sont bons. J'ai deux, trois contacts vers la Belgique. Allô, Igo, c'est quoi le boulot? Putain, faire du sale, j'ai encore obligé. L'argent, ça ne s'attend pas. Les négros se flinguent comme à Atlanta. J'ai de la frappe de ouf, celle de Franck Lampard. C'est des balles de douce qui sont sur l'impact. Coba, bouge tes locks. Pendant que je rentre mon globe dans le froc. Oh putain, là je suis mort. Je crois que j'ai mis ma pute en cloque. On va l'aller du 7. Si plus qu'au de la paix. Détail 7 jours sur 7. Dis-nous ce qu'on a pas fait. Nickel et PDG. Vive l'argent du raté. Nickel et PDG. Nickel et PDG. Moi j'ai ce que je te raconte. En vrai si tu fais ton c'est que t'es con. C'est pas tout beau tout rose. J'ai pris beaucoup de chutes comme du beaucoup de potes.